Le livre de Ruth. Les quatre chapitres du livre de Ruth établissent un lien entre la période des juges et celle de David. Le livre des juges a laissé ses lecteurs sous l'impression d'une déclaration lourde de sens. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En d'autres termes, l'anarchie règne, parce qu'il n'y a pas d'autorité établie. Et c'est ainsi qu'il paraît bon à Elimelech et Naomi, un couple habitant Bethléem, de fuir la famine en se réfugiant sur le territoire de Moab. Mais ce qui semble bon aux hommes n'est pas toujours ce que Dieu approuve. Si Dieu a permis la famine, c'est sans doute pour éprouver la foi des croyants dont il veut pourtant prendre soin. Refusant la discipline de la foi, Elimelech fuit la difficulté, un peu comme le fit Abraham des siècles avant lui, lorsqu'il descendit en Égypte, aussi pour échapper à la famine, Genèse chapitre 12. Pour Abraham, la fuite ne fut pas une solution. Et, dans le récit qui nous occupe, elle ne l'est pas davantage pour Elimelech, puisqu'elle entraîne des conséquences malheureuses. Elimelech et ses deux fils meurent au pays de Moab, laissant derrière eux trois veuves dans l'affliction. C'est alors que Dieu entre en scène. Si le livre des juges décrit des effets désastreux inhérents à l'anarchie, le livre de Ruth raconte les bénédictions consécutives à l'intervention divine lorsque Dieu fait ce qui est bon à ses yeux. Cette histoire est tellement touchante que beaucoup de cœurs ont vibré en la lisant. Aussi nous vous engageons à en faire tout à nouveau la lecture. On raconte que lorsque Benjamin Franklin, l'homme d'État américain, vint en France, il y a près de 2 siècles, il s'étonna de constater combien la littérature y était prônée et, par contraste, combien la Bible y était dépréciée et même discréditée. Aussi, à la perspective d'une réception organisée en son honneur, engagea-t-il un orateur et il le chargea de lire le livre de Ruth devant ce sélect auditoire. Il avait pris soin, au préalable, de modifier les noms des personnes et des lieux géographiques. La lecture de cette histoire fit tant d'impression que l'orateur fut applaudi avec frénésie. À la fin de la déclamation, les assistants s'approchèrent de Benjamin Franklin pour savoir d'où il avait tiré une pièce littéraire si remarquable. Franklin laissa ses interlocuteurs émettre leurs suppositions et, en fin de soirée, leur précisa dans son discours « C'est de la Bible, le livre que vous méprisez tellement ?» que j'ai tiré ce splendide récit. Heureusement que depuis 2 siècles, beaucoup de Français ont remis la Bible à l'honneur et ont découvert à leur tour ce chef-d'œuvre de la littérature israélite. Mais revenons aux faits. Naomi, veuve d'Elimelech, et ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth, sont dans une profonde affliction. Naomi apprend au pays de Moab que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain. Elle décide alors de retourner à Bethléem. Aussi, dit-elle à ses 2 belles-filles, « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Pourquoi viendriez-vous avec moi ?» Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Et c'est ainsi que ces 2 femmes se mettent en route et arrivent à Bethléem. Toute la ville est émue à cause de leur détresse. Naomi reconnaît « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » C'est l'époque de la moisson. Comme Naomi et sa belle-fille sont dans le dénuement le plus complet, Ruth se décide d'aller glaner dans les champs pour y récolter quelques épis. Elle trouve grâce aux yeux d'un riche propriétaire nommé Boaz. Prenons la peine de lire quelques versets dans le livre de Ruth, chapitre 2, versets 4 à 12. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Boaz est un cousin de Naomi, et la loi d'Israël engageait les proches parents à prendre soin des membres défavorisés de leur famille, en étendant leur protection sur eux. Pour les deux femmes réfugiées, c'est aussi leur seul moyen de survivre et de ne pas mourir de privation. Aussi, sur le conseil de sa belle-mère, Ruth retourne-t-elle glaner dans le champ de Boaz. Alors s'amorce une touchante idylle, jusqu'au moment où Ruth implore Boaz en ces termes. « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Le cœur de Boaz est conquis. Il répond, « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Naomi se réjouit d'apprendre que Boaz prendra en main leur cause. Aussi déclare-t-elle à sa belle-fille, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et le dernier chapitre du livre de Ruth raconte que cette jeune femme moabite devint l'épouse du riche propriétaire de Bethléem et qu'elle donna naissance à un fils nommé Obed, qui fut le grand-père du roi David. Mais il y a plus. Ce touchant récit fait appel à une application qui nous concerne tous directement. Ruth était une femme moabite. Or, les moabites étaient frappés de malédiction parce qu'ils s'étaient opposés au passage d'Israël lorsqu'il traversa le désert avant d'entrer en Palestine. Elle n'avait donc aucun droit à la bénédiction de l'alliance divine ou aux promesses faites seulement à Israël. Mais un homme exerça sur elle son droit de rachat. Il lui offrit son amour. Il étendit sa protection sur elle. Il l'arracha à son état de malédiction et de pauvreté pour la faire entrer non seulement dans la famille d'Israël, mais à son insu dans la lignée messianique. Car il ne faut pas oublier qu'en devenant la femme de Boaz, Ruth épousa l'arrière-grand-père du roi David, l'ancêtre direct du Messie. N'y a-t-il pas là une splendide image? L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, chapitre 2, versets 12 et 13. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Effectivement, nous sommes par nature éloignés de Dieu, sans espérance, parce qu'étrangers à son alliance. Mais Christ a sur nous droit de rachat. Plus, il en a usé et il a exercé ce droit par amour. Il en a payé le prix en versant son sang à la croix, nous arrachant ainsi à la servitude du péché, à la domination de Satan, pour étendre sur nous son aile protectrice. D'esclaves, il fait de nous des fils et des filles. De réfugiés, d'orphelins ou de veuves, il fait de nous les riches héritiers de sa grâce. Un peu comme Boaz dans l'histoire de Ruth, Jésus-Christ s'engage à ne se donner aucun repos. Jusqu'à ce que vous, auditeurs de cette cassette, vous soyez à votre tour entrés dans la grande famille des enfants de Dieu et dans le plan éternel de rédemption que Dieu a conçu. L'Écriture dit : Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20. De son côté, l'apôtre Pierre précise : Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. 1 Épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Enfin, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean cite les paroles d'un cantique d'adoration à Jésus-Christ. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Parce que Christ a été immolé à la croix, il a racheté des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. La validité de son rachat est certifiée par le prix qu'il a payé pour nous, donnant son sang pour que nous soyons arrachés à la condamnation éternelle. Comme l'œuvre de rachat accomplie par Boaz en faveur de Ruth fut reconnue valable par les anciens de la ville de Bethléem, l'œuvre rédemptrice de Christ est juridiquement reconnue par le ciel et le diable n'a pas le pouvoir de la contester. Tous ceux qui croient à la valeur expiatoire du sang de Christ sont arrachés à la mort, soustraits à la condamnation éternelle et sauvés pour la vie et l'éternité. Ne voulez-vous pas exprimer en vos propres termes la prière que Ruth prononça lorsqu'elle dit à Boaz « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat ?» À votre tour, vous entrerez dans la famille de Dieu, vous deviendrez son enfant, et le Seigneur Jésus fera en vous toute chose nouvelle. C'est cette bénédiction que nous vous souhaitons à chacun.